je disais toujours dans la doublette française, une doublette, toujours dans l'aspect française pour Herzl et Demande à la poussière. On continue avec maintenant Wars Doubt, une des meilleures sorties, pour ne pas dire la meilleure sortie en termes de hardcore hexagonal. Extinction, c'est le nom de leur premier album studio, du coup longue durée, une sortie sur l'excellent label allemand Beat Down Hardware Records. Extinction, ça se déguste sans fin, ce premier effort studio de Wars Doubt. Et dans la foulée, une autre nouveauté française, Decline of the High. Vous en avez forcément entendu parler de cette formation hein, qui a déjà quelques années d'ancienneté, hein, parce que là, ils sortent leur quatrième album studio. Donc c'est un projet mené par Adrastis Korgan, bien sûr, membre et parmi les fondateurs de Vorchrist, Merrimack, Order of Apollyon, etc. Donc voilà, les trois premiers albums sont sortis entre 2012 et 2018. Donc Adrastis était entouré de quelques icos de session. Et c'était une trilogie, un concept basé sur les travaux du neurobiologiste français Henri Laborie. Voilà, sur les expériences scientifiques qui étaient notamment menées sur des rats. Et là, nouveau chapitre pour ce quatrième album studio, donc on entre dans un autre concept, et Decline of the High s'intéresse maintenant aux écrits de l'écrivain et philosophe danois Søren Kierkegaard, qui date du 19e siècle, qui, ce philosophe danois a notamment écrit un ouvrage intitulé Johannes Climacus, où il faut douter de tout. On y voit forcément le parallèle avec le titre de ce nouvel album de Decline of the High. Nouvel album au passage qui s'appelle sobrement Johannes. Voilà, donc nouveau chapitre, nouvelle trilogie, un projet très ambitieux mais toujours très bien mené. Musicalement, qu'est-ce qu'il en est? On peut parler d'avant-garde et à la fois post-black pour des titres plutôt longs, qui avoisine la bonne dizaine de minutes, hein. Tantôt 7, tantôt 15, c'est plutôt chiadé, c'est très bien mené, les morceaux prennent vraiment le temps de se poser, de se développer. On est sur des trucs assez riches en atmosphère et en ambiance très très sombre. Voilà, c'est atypique, c'est bien travaillé, ça s'écoute vraiment très très bien. Bon, l'idéal c'est de vous poser au casque, voilà, pour vraiment en apprécier à plein régime. Voilà, nouveau concept, nouveau line-up, les psychoses de session toujours qui ont été brassées. Le plus connu bien sûr c'est monsieur SKVM qui officie notamment dans Archon Infaustus et Temple of Baal. Voilà pour la longue et belle présentation de cette nouvelle doublette française. Wars Doubt, on va s'écouter le titre de l'album avec une petite intro qui nous pose le truc magnifiquement bien. Decline of the High ensuite avec le titre Act of Faith, c'est parti. A noter que l'album est déjà dispo chez Agonia Records. We'll be right back. Thank you. Pour clôturer l'aspect française d'aujourd'hui, encore une aspect bien bien riche, on va s'écouter un titre du nouvel album de Exanimis. Exanimis, l'album marionnettiste, hein, rappelez-vous de cette formation qui, à mon goût, se rapproche un petit peu de ce que peut nous proposer un misanthrope, par exemple. Throne of Thorns, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Et dans la foulée d'Exanimis, Sol Draconi Septem, jeune formation nantaise qui nous officie dans un black indus bien bien riche. L'album s'appelle Hyperion, et on va s'écouter le titre I Remember Siri. C'est parti. Un roi ne l'est pas par nature, mais seulement dans la civilisation. Une puissance supérieure me pousse à un but que j'ignore. Tant qu'il ne sera pas atteint, je serai invulnérable, inébranlable. Dès que je ne lui serai plus nécessaire, une mouche suffira pour me renverser. Mon pouvoir tient ma gloire, et ma gloire aux victoires que j'ai remportées. Ma puissance tombera si je ne lui donnais pas aux bases encore de la gloire et des victoires nouvelles. La conquête m'a fait ce que je suis, et la conquête seule peut me maintenir. La suite de l'émission est bien encore une petite nouveauté avec ce groupe chaotic hardcore américain Gulch, un groupe que j'ai découvert il y a un an à peu près. J'ai pas tout de suite compris ce que j'étais en train de regarder, c'est absolument incroyable l'énergie que peut déployer le groupe sur scène. Musicalement, c'est ultra ultra crade, hein. S'il y a du sable qui vous coule des enceintes, c'est tout à fait normal. C'est la deuxième partie du split qu'ils ont sorti avec Sonami, hein. Ces dernières semaines on se diffusait d'ailleurs Sonami. Là on va s'envoyer les titres de Gulch, un cette semaine, un autre la semaine prochaine, et dans la foulée on va s'écouter le groupe de Black Death suisse Storturn qui sort son nouvel album Hypermanence. Gulch, le titre Balls Swallower, Storturn avec le titre Multireed, Chaos, c'est parti. We'll be right back. On arrive tranquillou sur la fin de l'émission. Pour rappel, vous êtes bien toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Si vous avez pris l'émission en cours de route, que vous en avez raté donc un beau morceau, rappelez-vous qu'à partir de demain, en fin d'après-midi, début de soirée, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission via notre petit blog. Voilà, vous tapez Hellbanger blogspot, sur Google et vous retrouvez tout notre historique. On s'approche donc de la fin de l'émission avec une avant-dernière doublette. Avant-dernière doublette dans laquelle on va glisser une petite nouveauté. Donc voilà, pas mal de similitudes entre les deux groupes à venir, mais cependant deux albums très différents. Du coup, le lien à établir est plutôt intéressant. Mare Cognitum, tout d'abord, donc ce one-man band américain qui nous fait du Cosmic Black, qu'on a présenté la semaine dernière, où tous les morceaux de l'album font plus de 10 minutes. Le titre d'aujourd'hui, qu'on va vous diffuser, encore une fois la version tronquée, radio-edit, fait 5 bonnes minutes, mais ce sont les 5 dernières minutes du morceau. C'est vrai que d'habitude on prend plutôt le début du morceau, parce que, à notre jugé, bien évidemment, c'est la partie la plus intéressante de la compo, donc c'est de là qu'est venu le choix de vous diffuser la deuxième partie du morceau. Pour rappel, Mare Cognitum, Solar Paroxysme, sorti sur le label High Voidanger Records. Et la nouveauté qui va suivre Mare Cognitum, c'est Midnight Odyssey. Là, c'est pareil, il y a pas mal à dire sur cette formation. One Man Band également, qui nous vient cette fois d'Australie. La formation, pareil, difficile. Ouais. Midnight Odyssey a vu le jour en 2007. À la base, c'était plutôt réputé pour, pareil, officier dans une espèce de Cosmic Black, avec des titres longs et bien atmosphériques. Et là, pour ce quatrième véritable album studio, puisque y en a deux qui sont sortis courant 2020, vraiment sur de la musique ambiant. Donc là, véritable quatrième album autour du black metal, Midnight Odyssey propose une musique vraiment au croisement entre de l'epic doom, du viking metal, et tout ça, vous voyez, à l'époque Bathory. Pour voir un peu se situer musicalement avant de se l'écouter. Et en même temps, on a des inspirations qui vont diguer du côté de la musique médiévale. Un disque copieux, pas non plus indigeste, parce que extrêmement riche, qui avoisine les 2 heures. 1h40 de musique, seulement 9 morceaux, dont un qui fait 20 bonnes minutes, un autre qui en fait 15, etc. C'est très épique, c'est majestueux, il y a plein de chœurs, des claviers, etc. Et on pourrait presque y voir une version Epic Doom de Summoning. On a toujours des éléments black metal, parce qu'on a des riffs, bien sûr, et sur les lignes de chant. On est difficilement à classer ce groupe avec cet album dans du metal extrême, alors que le chant est clair et limite lyrique. Donc Midnight Odyssey, c'est hyper riche. C'est un album qui s'intitule Part 2, car la première partie est sortie en 2019, donc dans ce premier registre, Cosmic Black. Initialement, le titre qu'on va s'écouter aujourd'hui fait 10 bonnes minutes, on va en diffuser seulement 6, et à noter que, bien sûr, Midnight Odyssey et Mare Cognitum sont signés sur le même album, High Voidanger Records. Mare Cognitum, le titre raboté, Terra Requiem, Midnight Odyssey, le titre également raboté, The Saffron Flame. C'est parti! Et la doublette de fin pour clôturer donc l'émission d'aujourd'hui. C'est tout comme la semaine dernière, deux groupes d'extrême avec chacun une vocaliste, Anker Keria et Ahara. On est dans deux styles de métal extrême différents. Tout d'abord, Anker Keria, qu'est-ce qu'on peut dire sur la formation donc, qu'on vous a présenté déjà la semaine dernière. Ça nous vient du Brésil, on est sur un espèce de death, thrash death, bien frontal. C'est le tout premier album longue durée qui s'intitule Matriarch. Voilà, les choses et l'ambiance sont posées, il n'y a pas de débat à avoir. Le groupe est là clairement pour en imposer, tout comme clairement le laisse exprimer la vocaliste. Voilà pour les présentations rapides de Anker Keria. L'album est déjà dispo en autoprod. Et dans la foulée, Ahara. Là, on est sur une formation black, limite black acmo, qui nous vient de Suisse. On fait forcément quelques parallèles avec la formation allemande Darkness Nocturne Slaughter Cult. Une vocaliste donc également, Triad One Eos. C'est le nom de leur troisième effort studio. Le titre fait un peu plus de 7 minutes initialement, donc c'est une version édite, on n'en diffuse que les 4 premières minutes, parce que mine de rien, faut que ça tienne dans 2 heures d'émission. Anker Keria, Keys of the Abyss, et Fugium, le titre de Ahara, pour clôturer l'émission. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à dimanche prochain, ciao ciao.